Ils dansaient, les anges, ils dansaient. Ils dansaient. Les anges dans la paix. Ni se dormait encore. Sur la mer j'ai vu émerger dans l'aurore le casino perdu. Swing, swing les anges dans la paix. Un palais de cristal qui flottait sur les eaux comme un blanc mal, narguant le négresco. Ses coupoles d'argent ciselaient le soleil, révélant vers l'Orient mille et une merveille. C'est sûr, vous allez encore dire que j'ai sûrement picolé, qu'ils sentent le vin mes délires, que vous êtes pressé. Pourtant, la jetée promenade, chaque nuit vient faire swinguer face au château et sa cascade, les anges dans la paix. Swing, swing, les anges dans la paix. Ces dentelles de fer fumées des pilotis qui grinçaient dans la mer au moindre clapotis. Les ivrognes, c'est notoire, cherchent toujours à vous parler pour trouver derrière une histoire un peu d'humanité. Pourtant la jetée promenade chaque nuit vient faire swinguer face au château et sa cascade, les anges dans la baie. Swing, swing, les anges dans la baie. Des garçons sex symbole, glamour et déluré au son des années folles. Un lignéop étrange berce la rivière, et dans la baie les anges dansaient de balboa. C'est vrai, les gens de mon espèce passent leur vie à divaguer, mais si vous me donnez la pièce, alors je me tairai. Jeter promenade, chaque nuit vient faire swinguer face au château et sa cascade, les anges dans la baie. C'est vrai, les gens de mon espèce passent leur vie à divaguer, mais si vous me donnez la pièce,